Folle, je t'affole, t'es sans un genre, tu précoces et alors partout c'est la même couille, on voit pas comme l'artiste mais là. Baby reste tranquille, j'ai mon fer un cas de pépin. Oh, partout c'est pareil, j'suis pas sec, moi j'ai mis le plein. Ouais, de partout c'est pareil, mon chouchou. Tu voudrais la maille, mais c'est maman avant tout. Pas d'HP, l'autre maudit. Frérot, c'est la même partout. Sur elle, j'envoie le chaco. Être légendaire comme chaco. Et partout c'est la même. Où on m'en fout la merde. En buvette à la mer. J'me resserre verre sur verre. J'suis le ghetto, j'ai de l'or dans mes mémos. Au début dans le compte, ça y avait zéro. J'suis dans mon coin, ton pote il me prend pour un béro. J'roule en moto, j'risque de me prendre un défaut. Et y'a des faux qui me disent chez le Sancho. Et y'a des vrais qui me descendent chaud. Big up parce qu'on passait l'été au cachot. Toute la night, j'me frappe la ville sur le piaggio. On a pas la même vie, tous les mêmes. On est de la même ville, partout c'est la merde. Et si ça va vite, habite ma mère. Y'a les sept villes, en bas de la messe. Cavalco. Oui, on est tous les mêmes. On est tous les mêmes. Oui, dans les villes. Y'a les mêmes du bon char, y'a les bons gars, la moitié. Et t'es Hochtar, wesh, le J, c'est Gotham. Si je le sors, c'est trop tard. Partout c'est la merde. Cardiac, oh oui, c'est nous. Blackjack, ancien ripou, la frappe. Elles viennent chez nous sur WhatsApp. J't'envoie une photo. Midi, minuit, ça détaille. 18h, ça ravitaille. Partout c'est la même. Sur le virage comme Raikkonen. J'ai laissé mes empreintes. Ney à mon ADN. Tu connais mon name. Classique comme une paire TN. HLM partout c'est un même, mon frère. Ouais. Le seul officier m'a dit de balancer les photos. Non. 6h du mat, ça tape pas ta porte bloquée. Oh. L'histoire est bad, c'est chaud, t'as dû riposter. Tu l'as mis en cloque sans pitié, tu t'es paré. Ouais. T'avais à fumer, mec, et t'as pas déclaré. Non. C'est le 13 organisé, ouais, tout est carré. Tu veux tester, on te baise, on est préparé. Faut danser, rigoler. La vie est dure dans le bendo, la balle a ricoché. C'est la guerre dans le réseau, t'as trouvé ta beauté. Y'a de l'amour dans le ghetto, la police a fauté. Elle a tiré sur un frérot. Une nuit pétante, ça sent boucan dans la queue. C'est pas le même shit, la même beuh. Mais partout ça pue la crise. Si jamais ça t'aimait, nique ton carton calmant de deux. Il me fait les ouais sur le parking. La tension monte en moins de deux. Y'a ceux qui zonnent toute la nuit. Y'en a qui se font plus d'ennemis. Y'a ceux qui roulent en roue arrière. En 4 et demi. Partout c'est la même. Ça charque en catimini. Casque intégrale sur la A7. Sourcils froncés comme Penji. Tu roules, tu casses, tu payes, on va de l'avant, tu cales dans le bench, j'entasse, tu claques des sous pour elle. Bon, mettre ta freine partout c'est la même. Partout c'est la même, bienvenue dans le 13. Tu verras que des phénomènes qui font du papier, qui encaissent. Laisse-les parler, on les fracasse, on les baisse. Je leur ferai l'amour sur de la salsa, sur du Franglish, Tory Lane. J'fume un broad sur la plage à Bucarest. Pendant ce temps, ils font la hesse, ils trahiront pour paire de fesses. Dans la Benz, oui, dans la caisse, pour honnête et fidèle. Parle en euro, j'parle en rial, comme Momo dans le Middle East. Tout est carré, on est posé, toujours stylé, Saint-Tropez. Quand on se déplace, tout est léger, y'a que la sacoche qui pèse. Ne t'affole pas si on divague, on te niquera par politesse. Partout, c'est Marseille, dis-la, le sang, oui, de peste. Marseille, 1-3, partout, c'est la même. Ça vend le shit, la mort en sachet. Le buzz, ton cul, pouta, tout s'achète. C'est la street intense, faut bien que vous sachiez. Les regards sont froids, c'est pas net. Musicalité, je veux un 63. C'est un 69, et je suis en survêt. Marseille, le standing. Elle veut que j'y fasse une soufflette. Elle veut que j'y enlève son jean. Ouais, je suis en survêt. Marseille, le standing. Je sais pas ce qu'elle a ta choupette. T'as choupé pour des centimes. Mais je suis pas là. Dans ma tête, c'est pas pareil. Partout, c'est la même. Et l'équipe, ils foutent la haine. Il faut que je les balaye. Ouais, je suis pas là. Dans ma tête, c'est pas pareil. Faut le mille, faut les killer sans reculer. C'est ma Marseille. HLM partout c'est un même, mon frère. Ouais. Le seul officier m'a dit de balancer les photos. Non. 6h du mat, ça tape pas ta porte bloquée. Oh. L'histoire est bac, c'est chaud, t'as dur et posté. La tarte